Tiens, au fil de ta vie débile, rouge ou venin d'une nuit facile. Tiens, au fil de ta vie débile, rouge ou venin d'une nuit facile. Rouge ou vert, un rien ne t'habille. Vert de truie, ça passe même tranquille. Paraît même que ça ne tient qu'à un fil. Je teste ta tête, ta faiblesse et le stress. J'en baisse le stress même si on assure. Élève la tête pour voir qu'elle est sûre. Le fil tranquille de sa vie débile. Lève les yeux pour voir comme elle brille. Le fil est tranquille, la fille est terrible. La fin éteint les lampes et elle brille. Je suis en reste, le reste m'atteste qu'il est moins dur de prendre une veste. La verte veste n'est pas le bon prétexte pour éviter de prendre une veste. Je suis en reste, le reste m'atteste qu'il est moins dur de prendre une veste. La verte veste n'est pas le bon prétexte pour éviter de prendre une veste. Tiens au fil de ta vie débile. Il paraît même que ça ne tient qu'à un fil. La fille est tranquille, le fil est terrible. La fin éteint les lampes. La fille est tranquille, la fille est terrible.